Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast. Vous rêvez d'avoir un beau jardin, verdoyant et bien fleuri, mais malheureusement vous n'avez pas beaucoup de temps et d'énergie à lui consacrer. Bonne nouvelle, des solutions existent. Comment aménager un jardin sans entretien? C'est ce que va nous expliquer notre experte jardin Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour aussi à vous. Donc effectivement, comment préparer son jardin sans entretien, surtout lorsque vous partez en vacances ou si tout simplement vous n'avez pas la main verte? Pas de panique, nous avons effectivement des solutions à vous proposer. Optez pour un jardin à la japonaise avec un minimum d'entretien. Des galets, des plantes de type rocailleuse, des bambous, des fleurs de rocaille, comme des graminées aux couleurs variées pour une ambiance extérieure zen. Sachez par contre que pour tout jardin sans entretien, c'est avant tout le choix de vos végétaux, de vos plantes vivaces qui restera primordial. Utilisez des plantes dites couvre-sol qui empêcheront les mauvaises herbes de pousser et de vous envahir. Les rustiques comme le romarin, le thym, la lavande pour un jardin méditerranéen s'épanouiront sans arrosage particulier. Répandez également sur environ 3 cm pour conserver l'humidité des sols et pour toujours vous épargner des arrosages intempestifs, des paillages divers et décoratifs par leur teinte variée et colorée comme la coque de cacao, la pouzzolane, l'ardoise, les copeaux de bois. Si votre souhait reste lié à la vue d'un beau gazon bien vert, aménagez votre jardin avec un gazon synthétique plus ou moins épais. Pour les haies, si vous ne voulez pas passer deux fois par an à une taille complète et laborieuse, optez pour une clôture en palissade, bois ou bambou ou en béton sur lequel vous pouvez faire grimper des jasmins, des chèvrefeuilles ou des glycines. Mettez en place des pas japonais. Prévoyez des graines sur vos allées, des graviers ou positionnez des galets en créant des formes géométriques selon votre inspiration. Composez-vous un jardin dit sec, comme les jardins désertiques mexicains, avec des cactus variés, de formes et de hauteurs différentes, et aux couleurs surprenantes. Paillez largement toujours pour maintenir une humidité au niveau racinaire malgré les fortes chaleurs. Petite astuce, la chenevotte, qui est une paillette tirée de la tige de chanvre, est 100% bio, et son utilisation repousse également les escargots et les limaces. Ainsi, maintenant à vous d'être inspiré pour cet été. À bientôt! Merci Marianne pour ces conseils qui vont aider nos auditrices et nos auditeurs à avoir un beau jardin facile à vivre. Notre podcast touche à sa fin. On se retrouve très vite pour parler déco, travaux et jardin. Et continuez à nous suivre sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, SoundCloud, PodCloud, Google Podcast et à être dès à présent sur YouTube. À bientôt!